tu me connais, tu sais que moi je fais pas la pute. Mais quand ça sent la patate, tu es pas du genre à prendre la fuite. Cette année je suis en Afrique, le calibre est dans le fut. Oui ton corps est dans le vide, que pour 6 kilos de fuf. 200 euros pour boire, j'ai pas la notion de l'argent. Mais quand je suis dans le game, j'ai pas l'intention de lâcher. On voulait pas tuer, donc on a visé sous la jambe. Je sais qu'il y a des requins, t'inquiète maman, je sais nager. Seigneur pardonne-moi si j'ai bibi, la CG. Mes frères sont en galère, je peux pas rouler en fêté. Pour toucher le bonheur, pour toi le pire, on l'a fait. Mais moi je suis un homme, toi t'es une pute, en effet. Mes potes ils me jalousent, mais bon je les calcule pas. Ça serait de mentir, te dire que je les encule pas. Même si je suis pas armé, voilà que je ne recule pas. Ta soeur elle fait la pute, à part ça, tranquille ou pas. J'étais au bord de route, y'a que Maurice qui m'a chalé. Il m'a pas répondu, moi quand j'ai appelé Jamel. Un jour je vais mourir, y'a que mon fils qui va chialer. Ma fille va prendre mes sous et s'acheter plein de sacs Chanel. J'ai plus de 06, tu veux me parler, viens au check. Moi j'aime pas faire la bise, te plaît mon pote, viens on se check. On n'avait pas d'eau chaude, voilà qu'on n'avait pas d'eau tiède. Je leur laisse le caviar, amenez-moi un plat de tchèque. Ouais, mon petit frère à bourre. Il m'a dit t'as des thunes, maintenant investi dans la poudre. Des kilos de machin, on a écoulé dans la cour. J'ai arrêté l'école, maintenant moi j'écoute dans la tour. Toi t'étais mon poteau, mais gros tu m'as vite oublié. Tu m'as dit je t'aime bien, mais gros tu vaux pas un radis. Ils ont fait des voyous, voilà que je les ai pas ratés. Mais moi je m'en bats les couilles, on ira tous au paradis. On ira tous au paradis, à part les mecs de ma cité. Y'a que des porteurs de couilles, quand tu meurs ils vont t'insulter. Le monde est pas en couille, j'ai même plus besoin d'inciter. Tu me veux mais je suis marié, ça sert à que d'insister. Tout seul moi je les baise, j'appelle RG pour les coups durs. Une rafale sur ta race, comme ça que ta vie on la clôture. Frérot moi je suis un homme, je balance pas sous la torture. Posé à Antalya, je passe le CLM à mes clôtures. Cette année je pars en guerre, je reviendrai avec la coupe. À l'époque je n'avais rien, je suis revenu avec la cote. Même quand ils m'ont braqué ma gueule, j'ai pas lâché la goutte. On a sorti le couteau, on l'a enfoncé dans la gueule. Qui veut test, on a les dents, on coupe la tête et les bons. Frérot est-ce que tu comprends? Salope t'as choisi ton camp, y'a plus de petit ni de grand. Tout le monde il a du cran. Si on t'explique c'est pas pour rien gros, la hadra est justifiée. On sait ce qu'on va te faire pour toi, ta mort est planifiée. Le bien on s'en balait gros, le mal on l'a bonifié. Garcia me donne pas de sous, je m'en fous que le OM est qualifié. Cote, cote.